La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Exprimer une opinion, se justifier. Exercice 1. Bonjour monsieur, voilà, j'ai un petit problème. J'ai essayé de retirer du liquide à un distributeur automatique, mais l'écran affiche que mon solde est dépassé. Pourtant, je suis sûre que j'ai assez d'argent sur mon compte. Bon, donnez-moi votre numéro de compte, on va vérifier ça. Oui, bien sûr. C'est le 000 56 76 45 89. Selon moi, c'est une erreur puisque mon solde est positif. En effet, votre solde est positif, mais vous ne pouvez retirer que 250 euros par semaine. Et cette somme est dépassée depuis hier. Mais enfin, regardez sur mon compte. Vous voyez bien que j'ai déjà reçu mon salaire de 1158,78 euros. En plus, je crois que mes parents m'ont fait un virement de 350 euros cette semaine. Je suis désolé, mais moi je ne peux rien faire. Alors, comment est-ce que je fais pour avoir du liquide ? Ce que je vous propose, c'est de retirer de l'argent avec un chèque à votre nom. Vous avez votre chéquier sur vous ? Bah non, justement. Il est chez moi parce que je pensais retirer de l'argent avec ma carte bleue. Dans ce cas, il faudra patienter, car c'est la seule solution. Donc si je comprends bien, il faut que j'aie mon chéquier, sinon je ne peux rien faire. Tout à fait. Vous pouvez aller chercher votre carnet de chèques et revenir plus tard. Notre agence ferme à 18h. Oui, enfin, malheureusement, je ne pourrai pas repasser aujourd'hui, car j'avais déjà prévu de faire autre chose. Je suis vraiment navré. Au revoir. Au revoir.